Et on va prier ensemble, et je pense que ce matin, notre devoir chrétien nous oblige de aussi, avant de lire le texte et écouter le texte, de prier pour Mme Marois, vu que nous avons un nouveau gouvernement pour ce premier dimanche d'un nouveau mandat. On va prier pour elle et pour le cabinet, et on va aussi prier pour la famille qui a perdu leur fils lors des atrocités au Metropolis. Donc, un moment de silence, et ensuite, je vais prier. Seigneur, en ce premier dimanche de nouvelle année scolaire, nous arrêtons pour demander ta miséricorde pour la famille qui a perdu leur fils lors des événements de mardi soir passé. Et en même temps, Seigneur, nous voulons prier pour Mme Marois et pour son entourage, pour le cabinet qu'elle va être maintenant nommé. Et Seigneur, nous prions que tu puisses le bien diriger, que tu puisses bien orienter ses politiques pour le bien et pour la paix, le shalom de notre société. Seigneur, malgré la violence qui a eu lieu lors de la soirée de son élection, Seigneur, nous voulons invoquer ta puissance et ta paix pour notre société. Et après tout ce que nous avons vécu depuis cette année, Seigneur, nous prions pour la tranquillité, nous prions pour la paix, nous prions pour le bien-être de notre société. Et Seigneur, maintenant, nous tournons vers une nouvelle étude pour nos temps de partage. Donc, prépare nos cœurs de bien accueillir ta parole. Mais pas simplement de l'accueillir, mais prépare-nous d'agir contextuellement, quotidiennement, après ce que nous allons apprendre. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons faire semblant que nous nous trouvons dans la ville de Colosse, et dans la ville de Hierapolis, et dans les alentours de Laodicée. Je vous invite peut-être cet après-midi de tourner dans l'Atlas ou dans les cartes de l'Antiquité ou dans votre Bible, de bien situer la ville de Colosse, la ville de Hierapolis et les environs de Laodicée. Parce que nous avons trouvé sage pour les mois à venir, d'orienter nos temps de partage autour de du livre de Paul à Colosse. Et comme vous allez voir ce matin, le livre annexe qui s'intitule Philémon. Je vais expliquer tantôt pourquoi on fait les deux ensemble. Le but de nos études, c'est de continuer de créer un contexte de solidarité et d'action pour notre Église, mais dans nos milieux, soit ici à Hochelaga Maisonneuve, soit au milieu de travail, soit au cégep ou à l'université. Mais comment allons-nous vivre et agir sur le texte? Mais nous allons faire semblant ce matin qu'on est à Colosse. Dans quelques instants, je vais vous donner le manuscrit. Mais Daniel a trouvé pour nous le texte lu. Et parce que la vaste majorité des gens qui étaient à Colosse à cette époque étaient des analphabètes, ils n'auraient pas été capables de lire le texte. Ils ont simplement écouté le texte. Mais en même temps, n'oubliez pas que c'était une lettre. Et qui parmi nous, lorsqu'on reçoit une lettre, soit par courriel ou par snail mail, lit juste un petit paragraphe par semaine. Donc ce matin, nous allons écouter tout le texte. Et en écoutant le texte, je vous pose deux questions. La première question, c'est quels sont les enjeux importants, contextuels, que Paul aborde dans cette lettre? Et deuxième,

Mais est-ce qu'il y a une idée qui sort pour vous? Oui, Lynn. La foi en Jésus. Oui, la foi en Jésus. Quand je vous donne le manuscrit, j'inclus aussi un plan détaillé avec les différentes sous-sections que nous allons étudier. Et ce document n'était pas trouvé avec les documents de la mère morte, OK? Donc, c'est pas inspiré, c'est inspiré sur mon ordinateur. Mais moi, je l'ai intitulé, pour suivre Lynn, le thème de ce livre, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Ce qui est frappant dans ce texte, c'est tous ces enjeux que vous avez mentionnés, mais avec une file conducteur où Paul veut confronter certaines croyances, certaines actions qui l'ont troublé, qui l'ont rendu un peu inquiet. Il y avait une philosophie qui courait dans cette région. Le capital de la région était Éphèse. Colosse était à peu près 160 kilomètres à l'autre bout de la vallée. Et dans cette région, il y avait un culte des anges. Il y avait une philosophie comme un esprit très rigoureux. Si on veut être une bonne personne, donc par extension, un bon juif ou une bonne juive, un bon chrétien, une bonne chrétienne, il y avait certaines pratiques qu'il fallait absolument faire. Un siècle plus tard, ce mouvement allait prendre le nom du gnosticisme. Une philosophie qui mettait l'accent sur une révélation mystérieuse que certains individus recevaient et d'autres n'avaient pas. On est bien avant cela, mais les racines de ce mouvement étaient là. Et Paul discernait que ces pratiques, ces croyances, mettaient en question exactement ce que Daniel a dit dès le début. Christ est roi. Christ est suprême. Donc, Paul a écrit cette lettre pour combattre ces idées, pour dire Christ est tout et en tous. Pour te citer, that's it, that's all. Mais pourquoi est-ce que j'ai inclus Philémon? Vous vous souvenez, à un moment donné, Paul a dit, Tychique, il apporte cette lettre avec lui. Et il est accompagné d'un nommé Onésime. Et qui était Onésime selon la lettre de Paul à Philémon? Un esclave fugitif qui a retourné à Tychique et il était probablement l'esclave de Philémon. Et on ne peut pas lire ces deux lettres indépendamment l'une de l'autre. Et ça touche exactement le point qu'Annika a soulevé. La relation maître-esclave est centrale dans ce texte. Comme juif, non-juif, scythe, qui est une ethnie, barbare, qui était les autres ethnies, les riches et les pauvres. Tout cela jouait dans le texte. Mais ce matin, juste terminons notre lecture et notre prise en compte de la lettre avec l'intro de Paul. Relisons-le encore. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et la frère Timothée, aux saints et fidèles frères qui sont en Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. J'aimerais attirer votre attention à trois personnes. au début de ce texte. Qu'apprenons-nous sur Dieu? Qu'apprenons-nous sur Paul? Et qu'apprenons-nous sur les Colossiens dans ce texte? Sur Dieu, il est évident, même dans l'intro, que le Dieu dont Paul parle est le Dieu trinitaire. Dès le commencement, les Colossiens auront été saisis par le fait que ce Dieu créateur, dont il va en parler un peu plus loin, au chapitre 1er, se manifeste, ou, si vous voulez, à trois modes d'opération dans le monde. Il est le créateur, mais il s'est manifesté aussi en Jésus-Christ. Et finalement, dans le verset 8, nous apprenons que c'est par l'Esprit Saint que l'amour de Dieu a été mis en évidence dans la vie des Colossiens. Mais l'autre chose que nous apprenons sur Dieu ici, c'est qu'il est l'intendant de la grâce et la paix. Ce Dieu a motivé Paul parce que Paul dit, « Je suis apôtre de Jésus-Christ, je suis en mission à cause de Jésus-Christ, mais c'est par la volonté de Dieu. » Et tout de suite, les Colossiens ont été saisis par cette idée que le Dieu que Paul sert, le Dieu dont il nous parle, est un Dieu trinitaire, un Dieu qui anime nos vies. Mais troisièmement, c'est un Dieu qui met sa main sur nous pour que nous fassions sa volonté. Petite parenthèse. Il est évident, Paul a écrit cette lettre aux Colossiens. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut comprendre le texte dans son contexte. Mais mes amis, Paul a écrit aussi cette lettre pour vous et nous, pour vous et moi. Nous recevons le texte. Et ce texte nous rappelle que le Dieu que nous servons est un Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, qui anime nos vies, mais il veut qu'on fasse sa volonté. Et cette lettre va nous orienter sur la volonté de Dieu dans nos vies. Deuxièmement, nous apprenons des choses sur Paul. Il est un apôtre. Il se voit comme un missionnaire, une âme en mission. Et un homme qui fait la volonté de Dieu. Et il va beaucoup parler de son collègue Epaphras. Et on va explorer la vie d'Epaphras pendant nos études, nos partages. Dieu, Paul, et maintenant il y a un troisième groupe, les Colossiens. Et voici quelque chose qui m'a frappé dans cette introduction. Paul parle de la foi des Colossiens, l'amour des Colossiens, enraciné dans l'espérance. Donc, nous avons ce triangle. La foi en Jésus-Christ n'est pas la foi en lui comme sauveur, mais la foi qui est la leur dans leur vécu en lui. Paul va beaucoup utiliser cette expression d'être en Jésus-Christ. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que lorsque nous avons décidé de suivre Jésus, nous avons été baptisés, immergés, plongés en lui. Nous avons une participation en lui. Et Paul dit, la chose que j'aime sur vous à Colosse, c'est que vous avez cette participation. Vous êtes vraiment cachés en lui. Votre amour, un amour pour... Notez l'adverbe, tous les saints. Ce n'est pas un amour sélectif. J'aime celui-là, je le toffe. Celle-là, je le tolère le dimanche matin, mais c'est tout. Non, Paul dit un amour, un agapé, un amour inconditionnel pour toutes et pour tous. Et dans le verset 8, il va mentionner que cet amour est rendu visible par le Saint-Esprit. Qui veut dire que nous ne pouvons pas aimer comme Jésus nous a aimés par nos propres efforts. Ça prend l'action de ce Dieu trinitaire, pour animer nos vies. Donc, la foi, cette participation en Jésus-Christ, un amour pour tous animé par l'Esprit. Et ensuite, Paul dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Imaginez ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ, a assuré un avenir. Mais cet avenir est maintenant transposé dans le présent pour que nous puissions avoir une espérance aujourd'hui, pas simplement dans l'au-delà. Cette espérance est pour aujourd'hui. Donc les Colossiens sont reconnus pour leur foi, leur amour, mais aussi leur espérance. Et ensuite, Paul ajoute cette chose fascinante. Il dit que cette espérance vient de l'Évangile, vient de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est répandue maintenant dans le monde entier. Maintenant, Paul exagère, si vous me permettez l'expression. Mais le point qu'il voulait faire, c'est que cet Évangile est maintenant parmi vous. Et regardez ce qu'il dit. Il répand, il se répand. Et il porte du fruit. Donc, les Colossiens étaient reconnus pour le triade de ces grands vertus chrétiens, foi, amour et espérance. Mais ce n'était pas simplement quelque chose de spirituel, de religieux, de dimanche. Mais c'était quelque chose qui était vécu dans leur vie et il y avait des conséquences dans leur vécu. Donc, nous apprenons les choses sur Dieu. Nous apprenons les choses sur Paul, mais nous apprenons énormément sur les Colossiens. Et pendant nos partages dans ces deux livres, comme j'ai dit, notre but c'est de continuer de créer cette solidarité entre nous, cette communion fraternelle en nous, mais dans notre vie, dans les textes bibliques et en Jésus-Christ. Application. Deux choses. Ce matin, nous avons énormément chanté sur Jésus est roi. On l'a lu dans le texte. J'espère que vous avez vu que dès le commencement, Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Nous sommes tellement habitués avec ce nom pour Jésus que des fois nous avons l'impression que Jésus était son prénom et Christ était son nom de famille. Oubliez ça. Malheureusement, pour des raisons qui sont tout à fait étranges pour moi, malgré le fait que nous avons traduit les textes grecs du Nouveau Testament en français, on n'a pas traduit le mot Christos, Jésus Christos. On n'a pas traduit le mot Christos, on l'a transposé. Maintenant, on est poigné avec Jésus-Christ. Mais qui est Christos? Christos, c'est celui qui est envoyé, le Messie, le roi. On aurait dû le traduire, Paul, envoyé ou apôtre de Jésus, roi. Jésus l'envoyé. Qui veut dire que lorsque nous lisons ce texte, mes amis, nous sommes les envoyés de ce roi. Et ce texte doit nous faire réfléchir, OK, cet après-midi, ce soir, demain matin, où est-ce que Dieu m'envoie pour être le porte-parole de ce roi dont j'ai chanté ce matin ou hier matin? Mais l'autre chose, ce triade de vertus, est-ce que cette triade se manifeste dans notre Église? Et explorons ensemble dans les mois à venir. Comment allons-nous cultiver collectivement cette foi en Jésus-Christ, cet amour pour tous animé par son esprit et cette espérance, oui, qui est réservée dans les cieux pour nous, mais qui est maintenant transportée pour nous aujourd'hui. Nous avons une espérance. Chaque matin, quand j'arrête au provisoire tout près de chez moi pour ramasser mon journal, Il y a une madame qui est là à peu près en même temps que moi. Je ne vais pas dire l'heure que je passe, ça, c'est pas important. Et elle achète son paquet de, pas cigarettes, loto. Voilà. Elle dépense presque chaque matin entre 35 et 50 $. Et chaque matin, elle me salue. Elle dit, mon espoir. Mes amis, notre espoir ne se trouve pas dans le siège social de Loto-Québec sur Sherbrooke. Notre espérance se trouve en Jésus, roi. Voici le manuscrit. Bon dimanche. Vivons le Christ roi aujourd'hui. Amen.